Chez Dolbo Auto, profitez des différents rabais de fin d'année. Le Colorado 2019 à partir de 84 $ par semaine, aucun acompte et un taux d'intérêt préférentiel de 1,9% pendant 60 mois. Ou encore, venez faire un essai du Silverado 1500 2019, 91 $ par semaine plus taxes, aucun acompte pendant 84 mois à 0,99% d'intérêt. Dolbo Auto, 1700 Boulevard Walberg, Dolbo Bistassini, 88-276-0580. Le personnel et la direction de Dolbo Auto vous invite à acheter local pour soutenir notre économie. Cette chronique de la Ligue JMS est une commandite d'identification sport. Donc, pour tous vos sacs personnalisés ou encore pour vos vêtements spécialisés, ben, je vous invite à aller sur le site identificationsport.com. On parle avec le relationniste de la Ligue JMS, Pierre-Luc Martin. Salut Pierre-Luc. Salut Dani, ça va bien? Ça va bien. Pierre-Luc, si on parlait un peu de la dernière semaine dans la Ligue JMS. Oui, commençons par le Midget 2B. Ouais. Il n'y a aucun match vendredi soir. Samedi, quelques parties. Les Aiglons d'Alma l'ont emporté à deux reprises face au Viking de Bécomo, soit 9-2 dans le premier match et 6-0 dans le deuxième match. Okay. Ensuite, les Basses de Sept-Îles, même chose, ont emporté deux matchs aussi contre Marcus Pop de Saint-Félicien, qui était du côté de Sept-Îles en fin de semaine dernière. Le premier match 5-1 et le deuxième match 4-3. Okay. Du côté dimanche, il y avait seulement trois parties dimanche à Midget 2B. Les Sags 2 l'ont emporté 8-0 face aux Vikings de Bécomo. Mm. Les Basses de Sept-Îles l'ont emporté 5-1 face au Marcus Pop de Saint-Félicien. Et les Castors, un match serré contre les Sags 1, victoire de 3-2, qui donne une première défaite aux Sags 1 lors de la saison 2019-2020. Okay. Du côté du classement, c'est serré entre trois équipes là, au Midget 2B. Sags 2 à 5 victoires, 0 défaites. Même chose pour les Castors de Vaux. Et tout de suite en arrière, les Sags 1 à 4 victoires, 1 défaite. Donc, c'est assez serré pour les trois équipes là, au classement. Les autres, ça se partage un peu pour le reste. OK. Si on y allait maintenant au niveau junior. Oui, au niveau junior 2A. On avait quelques parties aussi. Seulement 4 parties dans la fin de semaine dernière pour le junior 2A. Saguenay des Chicoutimi ont battu les Marquis de Jonquière vendredi soir au compte de 5 à 4. Une première défaite pour les Marquis de Jonquière. Samedi, ils avaient bien Normandin qui ont remporté leur première victoire de la saison, 7-5 face au Sard de Roberval. Et dimanche, deux parties, victoire des Marquis de Jonquière 4-0 face aux Éperviers de Normandin. Et Saguenay des Chicoutimi l'ont remporté 5 à 3 face aux Aiglons d'Alma. Okay. Du côté du classement, il y a deux équipes qui se démarquent. Là, les Marquis de Jonquière, 6 victoires, 1 défaite. Les Sags de Chicoutimi, 5 victoires, 2 défaites. Les Aiglons, les Sables et les Éperviers partagent les trois dernières rangs, mais il y a un ou deux points de différence. Donc, ça change assez vite. Là. OK. C'est okay. Ça, il y avait les marqueurs aussi. On va y aller avec les marqueurs. Puis vas-y que le classement aussi, c'est... Ben, le classement, tu viens de le donner, mais vas-y que les marqueurs... Les marqueurs, c'est trois joueurs des Marquis. Okay. Dans le junior 2A, là, Jean-Simon Girard a 21 points, Samuel Blanchette a 17 points, Alexis Bourassa 16 points, se partage les trois premiers, suivi de Charles Girard de Chicoutimi et Thomas Tremblay des Sables de Roberval à 12 et 11 points. Et dans le midget, c'est Zachary Deschênes qui a le premier rang, 7 buts, 7 passes des Sags 2 à 14 points, suivi de Félix Thomas 11 points, Thomas Potvin 10 points, Thomas Bouchard et Anthony Trottier des Castors de Dolbo à 10 points chacun aussi. OK. Donc c'est assez serré, là, côté classement aussi. Ça fait le tour pour cette semaine? Pour en fin de semaine prochaine, quelques parties. Oui, on va y aller, vas-y. Vendredi soir, au Midget 2B, les 5-2 sont à Saint-Félicien pour affronter le Marcos Pop à 20h. Ça va-tu bien du côté de Marcos Pop? Ça a été difficile. Ça va-tu pas pire? Là? Je vous dirais que c'est encore difficile. Ah oui? Donc, une victoire cette année, mais on voit que les résultats se retrécissent un peu. Là. OK. Donc, il y a quand même une progression. Ouais. C'est ça, là. Ils ont quelques semaines de retard sur les autres équipes, là, donc c'est pas toujours évident. Mm. Mais je pense que le moral est bon. Là. Le moral est bon, puis on voit que les résultats sont serrés. Là. Donc, le moral est bon, puis les gars restent dedans. Puis d'après moi, là, ils sont sur le bord de causer une surprise. Là. OK. Donc, ensuite. Les Saguenayens sont à Normandin pour affronter les Éperviers. Et Marquis sont à Alma pour affronter les Aiglons. Mm. Samedi, les Ambassadeurs sont à Alma pour deux matchs. Donc les Aiglons, un à 11h30, l'autre à 17h30. Les Castors sont du côté de Bécomo Okay. Pour affronter les Vikings. Deux matchs, un à 14h et l'autre à 20h. Et dimanche, deux seuls matchs, seulement deux matchs. Les Castors sont toujours à Bécomo pour le troisième match de la fin de semaine. Et les Sabres de Robertval vont affronter les Marquis de Jonquière au Palais des Sports de Jonquière à 19h pour le Junior 2A. OK. Donc, ça fait le tour pas mal pour cette semaine? Pour cette semaine, oui. On est en préparation pour le showcase qui va avoir lieu. Oui, oui, oui. C'est à Alma, je pense. Hein? C'est au centre Mario Tremblay, c'est ça? Non. Cette année, c'est au plateau. Alors, on a ce plateau à Chicoutimi. OK, OK. C'est l'an prochain qu'on veut viser une concession au lac là, qui est pour nous accueillir. Là. Les préparatifs vont bien. Je pense que on espère les équipes complètes aussi pour avoir du prix. Mais les équipes sont au courant plus longtemps, donc je ne sais pas, vont bien aimer cette fin. OK. Ça fait le tour pour cette semaine? Ça fait le tour, Danny. On rappelle évidemment que cette chronique est une présentation d'identification sport. Donc, pour tous vos vêtements personnalisés ou encore vos sacs de voyage spécialisés également, une seule place où aller, c'est identificationsport.com, le commanditaire de la chronique de Pierre-Luc Martin. Salut Pierre-Luc, on s'en reparle jeudi prochain. Parfait, merci Danny. Voilà, donc le relationniste de la Ligue GMS, Pierre-Luc Martin.